grand cheval, il pense à ses courses. C'est lui le marshal. Fais gaffe à tes bourses. Sa moto, il rêve à ses conquêtes, c'est lui Johnny Joe. Regarde ses roues plaquettes. Sur sa fusée, le compresseur cosmique Dédé, et ses pendules à l'heure. Son bel âme, il tape du pied, c'est lui Jordan. Pas besoin de poudrier. Tout ce beau monde traverse les pays pour faire la ronde et la course aussi. Tout ce beau monde traverse les pays pour faire la ronde et la course aussi.